Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Ce sont des armes terrifiantes, invisibles et le plus souvent inodores. Les armes chimiques, des ADM, c'est-à-dire des armes de destruction massive. Et leur utilisation récente, quasi avérée, par l'armée de Bachar al-Assad, a scandalisé. Car la guerre doit tuer proprement. Ainsi en ont décidé la plupart des pays du monde en ratifiant le protocole de Genève en 1925 après la grande saignée de la Première Guerre mondiale. Malgré cet épisode vertueux, les armes chimiques, qu'on appelle aussi les bombes atomiques du pauvre, ont été utilisées ensuite à plusieurs reprises sans susciter de grandes indignations internationales. En Éthiopie, au Vietnam, au Yémen, mais c'est le cas de l'Irak qui est le plus troublant. Car si Saddam Hussein en a souvent usé sur les champs de bataille et même contre sa population, c'est avec la complicité des grandes puissances qui ont, la plupart du temps, fermé les yeux quand elles n'ont pas aidé le dictateur irakien à en fabriquer. Mais Saddam Hussein, jusqu'à l'invasion du Koweït, était alors un allié et un rempart contre l'ogre iranien qui voulait propager l'islamisme chiite au Proche et au Moyen-Orient. L'indignation a donc été à géométrie variable. Monsieur X ouvre ce dossier où l'hypocrisie le dispute à l'esprit de lucre. Sur l'échelle de l'horreur, c'est sans doute le massacre de la population kurde d'Alabja en 1988 qui a le plus frappé les esprits, et avec juste raison. Mais enfin, je vais y revenir. Mais c'est oublié un peu vite que l'armée irakienne s'est servie de l'arme chimique bien avant, et sans que cela ne suscite de protestation ni même une condamnation par les instances internationales. D'accord, mais est-ce qu'on savait que Saddam Hussein avait ordonné l'utilisation d'armes chimiques au cours de l'interminable guerre qui a opposé son pays à l'Iran tout au long de la décennie 80. Oui, on savait, mais on n'a rien fait. Pire, de grandes entreprises occidentales ont continué à livrer à l'Irak les ingrédients nécessaires à la fabrication de ces terribles armes chimiques. Et les gouvernements de ces pays étaient parfaitement au courant. Je vais vous le prouver. Auparavant, vous devez savoir que cet aveuglement criminel aura sans doute des suites judiciaires, et en France même. C'est-à-dire En juin 2013, 20 Kurdes irakiens ont déposé au tribunal de grande instance de Paris une plainte contre X pour complicité de crimes contre l'humanité et recel. Leurs avocats demandent une enquête sur le rôle de plusieurs personnes et de sociétés françaises soupçonnées d'avoir rendu possible le massacre d'Al-Habja. Au moins, deux entreprises auraient permis à Saddam Hussein de se constituer un arsenal chimique entre 1983 et 1988. Elles auraient notamment construit des réacteurs, des colonnes et des citernes en acier vitrifié pour contenir les agents toxiques entrant dans la composition de ces armes. Est-ce que cette plainte peut aboutir ? C'est tout à fait possible. Depuis janvier 2012, il existe au sein de notre appareil judiciaire un pôle génocide et crimes contre l'humanité. Et ces magistrats ont ouvert en août 2013 une instruction judiciaire sur cette affaire. Précision. Toujours d'après ses avocats, 9 entreprises allemandes, 2 hollandaises, mais aussi des Espagnols et des Suisses sont aussi compromises. Et seront poursuivies ? Peut-être. En tout cas, le précédent irakien n'a pas servi de leçon au gouvernement et aux industriels de la chimie. Il y a seulement quelques semaines, Berlin a dû reconnaître que l'Allemagne avait exporté vers la Syrie des produits chimiques susceptibles d'entrer dans la fabrication du sarin, ce gaz neurotoxique qui a provoqué un millier de morts dans la banlieue de Damas. Des exportations qui ont obtenu le feu vert tant du gouvernement de Gerhard Schröder que du premier gouvernement d'Angela Merkel. Ouais. Et que disent les Allemands alors pour leur défense ? Ils affirment, comme d'ailleurs tous ceux qui ont autrefois accepté de livrer des produits chimiques à l'Irak, qu'ils n'envisageaient en aucun cas que ces ingrédients pourraient avoir un usage autre que civil. Ouais. Pesticides, insecticides, etc. Voilà, oui. Le problème, c'est que ce sont aussi ces produits, des organochlorés ou organophosphorés, qui peuvent permettre la production des gaz neurotoxiques comme le sarin, le tabac ou le redoutable VX. Mais encore une fois, on ne voulait pas savoir. Alors, venons-en maintenant à l'utilisation par l'Irak de ces armes chimiques. Malgré le fait que ce pays a ratifié le protocole de Genève, tout comme son voisin iranien d'ailleurs, il faut d'abord noter que ce texte, s'il condamne l'utilisation de ces armes, n'interdit pas leur production, leur acquisition et leur stockage. Mais c'est parfaitement hypocrite. Je suis d'accord, c'est pourquoi le protocole de Genève a été remplacé en 1993 par une convention internationale proscrivant cette fois la possession et l'emploi des armes chimiques. Il ne fait nul doute que la révélation de l'affaire d'Al-Habja a joué un rôle dans cette prise de conscience internationale. Quoi qu'il en soit. Après l'adoption de ce texte, un certain nombre de pays possédant ces ADM chimiques ont commencé à les détruire. La France, par exemple ? Il reste encore un stock de 250 tonnes datant de la Première Guerre mondiale. Il sera en principe détruit au plus tard en 2016. Aux États-Unis, qui en possédaient des dizaines de milliers de tonnes, 90% auraient été déjà éliminés. Et 70% en Russie. Mais en est-on vraiment sûr ? Non. Non, parce que tout ça relève du secret. Il y a encore le cas d'Israël, qui n'a pas ratifié la Convention de 1993. On sait que l'État hébreu a fabriqué quantité d'armes chimiques et bactériologiques. Mais les Israéliens ont toujours prétendu qu'en fait, ils cherchaient des antidotes. Ouais, pour fabriquer ceci, il leur fallait disposer d'armes chimiques. Évidemment. Enfin, passons, parce que c'est un sujet dont nous avons parlé il y a bien longtemps. Alors, l'Irak. C'est au début des années 1980 que le gouvernement lance un vaste programme de fabrication d'armes spéciales qui sont en principe destinées à n'être utilisées qu'en cas d'extrême urgence pour défendre le territoire irakien. Ouais. Et 1980, c'est aussi l'année où commence la guerre irak-Iran. Et l'année suivante, l'aviation israélienne met un terme aux ambitions nucléaires de Saddam Hussein. Ouais, ça, c'est le bombardement du réacteur Osirak. Qui avait été construit, je vous le rappelle, avec l'aide de la France. Par conséquent, Saddam Hussein se tourne vers les armes chimiques puisqu'il n'aura pas la bombe atomique avant un bon moment. C'est ça. Et il confie cette tâche à l'un de ses généraux, Amer Aoudi al-Saadi. cet officier supérieur a reçu plein pouvoir et des crédits illimités pour mettre en œuvre ce programme. Une mission qui devait forcément demeurer ultra secrète. Car bien entendu, officiellement, il n'est pas question pour les Irakiens de fabriquer des ADM. Non, les produits chimiques qu'ils vont se procurer à l'étranger sont destinés à produire des fertilisants et des pesticides. À l'étranger, mais où en particulier ? Saddam Hussein s'adresse d'abord en priorité à son grand allié soviétique, qui ne fait aucune difficulté pour lui livrer des vésicants, c'est-à-dire essentiellement du gaz moutarde. L'hyperite de la guerre de 14-18. Et parallèlement, l'Irak commande à l'Espagne des containers adaptés pour l'épandage de produits chimiques. Ensuite, c'est l'Égypte qui livre d'importantes quantités d'obus vides qui seront remplis de gaz dans les usines de Samarra et Fallujah. Ça signifie que dès l'automne 83, l'armée irakienne dispose d'importants stocks de gaz vésicants et d'un premier lot de gaz neurotoxique grâce à des livraisons de produits chimiques provenant vraisemblablement d'Allemagne. Pourquoi plus particulièrement d'Allemagne ? Eh bien parce qu'il s'y trouvait encore quelques industriels nostalgiques du Troisième Reich, qui ne demandaient pas mieux que de venir en aide à un pays arabe entreprenant, désireux de fabriquer des gaz susceptibles d'être un jour utilisés contre l'État hébreu. Et je vous assure que je n'invente rien, mais enfin ça, j'y reviendrai. Ça veut dire en tout cas que, sous la férule de ce général irakien, la production s'est accélérée. Considérablement. Selon des rapports irakiens officiels, Bagdad va produire près de 4000 tonnes d'agents neurotoxiques et de gaz mortel entre 1981 et 1988. Et leur première utilisation, là ? Attendez. Auparavant, je dois vous dire qu'il est pratiquement avéré que les Irakiens ont procédé à des expérimentations sur des sujets humains, ou des prisonniers, ou des soldats qui ont été sciemment exposés et donc sacrifiés. Alors, la première utilisation, on l'a appris assez récemment, mais elle a eu lieu déjà au Kurdistan irakien en novembre 1983, à partir d'hélicoptères à bord desquels avaient pris place des hommes de la fameuse garde républicaine. Les soldats d'élite de Saddam Hussein. Oui, ils ont lancé de simples obus de mortier emplis de gaz moutarde. C'est un gaz vésicant qui peut être aussi mortel. Et en usant pour la première fois de cette arme chimique, le dictateur irakien a envoyé un message aux ayatollahs iraniens. La frontière du Kurdistan irakien constituer une ligne rouge que Téhéran ne saurait franchir sans risquer de provoquer une escalade dans le conflit. Pourquoi ? À cause des précieuses ressources pétrolières de la région, indispensables à la survie du pays. Et après cet avertissement chimique, si j'ose dire, l'armée irakienne a renforcé ses défenses dans le Kurdistan. Toutefois, selon des documents de la CIA, déclassifiés il y a quelques semaines, l'Irak se serait déjà servi de gaz moutarde. Mais quand et où ? Encore au Kurdistan, en juillet 1983. Mais l'hyperite aurait alors été mêlée à un gaz lacrymogène. Il faut observer que les sorciers des armes chimiques procéderont souvent ainsi, en créant des cocktails comprenant plusieurs produits différents. Quoi, pour accroître leur efficacité ? On peut l'imaginer. Enfin, je ne suis pas un spécialiste. Alors la suite. Au début de l'année 84, l'armée irakienne se trouve en mauvaise posture au sud du pays. En adoptant la tactique des vagues humaines, les Iraniens se sont en effet emparés des îles Majnoun, dans la zone des marais au nord de Bassora. Encore une région très riche en pétrole. De nouveau, les militaires de la garde républicaine irakienne vont se servir d'armes chimiques pour repousser l'adversaire. Et comment vont-ils procéder hein ? En février, ils utilisent de petits avions d'entraînement livrés récemment par la Suisse. Des appareils qui ressemblaient à de simples avions de tourisme. Ils vont survoler le champ de bataille à basse altitude en vaporisant du gaz neurotoxique tabin au-dessus des positions iraniennes. Enfin, à la façon d'un épandage agricole. Oui, et comme si ça ne suffisait pas, l'artillerie irakienne bombarde les marécages avec du gaz moutarde. Désormais, l'usage des armes chimiques par les Irakiens devient presque banal. Un mois plus tard, c'est la ville d'Al-Oweza, près de Bassora, qui est aspergée. Puis en 1985, des centaines de villages iraniens sont bombardés avec des obus chimiques améliorés avec de l'acide cyanhydrique. Ça, c'est le poison des camps d'extermination nazis. Oui, une substance redoutable qui provoque presque instantanément une asphyxie chez les personnes qui y sont exposées. Thank you. Monsieur X l'a dit très tôt, c'est-à-dire dès 1984, on a su que l'Irak employait des armes chimiques. Le chercheur Pierre Razou, qui vient de publier une somme passionnante sur la guerre Iran-Irak, écrit par exemple ceci. L'Iran saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant de sanctionner l'utilisation par l'Irak de ses armes interdites qui ont tué plus d'un millier de ses combattants. Pour sa requête, Téhéran envoie dans des hôpitaux européens plusieurs dizaines de blessés affectés par l'hyperite et le tabac. L'avis des médecins est formel et confirme leur exposition aux armes chimiques. Une délégation d'experts mandatée par l'ONU se rend immédiatement sur le front irako-iranien, visite les hôpitaux de campagne et confirme l'utilisation de gaz de combat par Bagdad. Les autorités irakiennes nient mollement avant d'adopter un mutisme prudent devant l'accumulation de preuves. Le général Kerralla, ministre de la Défense, finit par admettre les faits à demi-mot, précisant que l'Irak se réserve le droit d'avoir recours à tout type d'armes pour défendre son territoire. Pour tenter d'apaiser les critiques qui fusent contre Bagdad, il affirme que ces armes spéciales n'ont vocation à être utilisées que sur le champ de bataille et ne viseront pas les populations civiles. Toutefois, malgré cet aveu explicite, Razou observe que les gouvernements américains et soviétiques bloquent une résolution du Conseil de sécurité condamnant l'Irak pour l'usage de gaz de combat contre les troupes iraniennes. Alors, je vous ai promis de revenir sur la complicité de certains industriels dans cette course aux armements chimiques en Irak. Des exemples. La société allemande Thyssen-Rheinstahl est chargée d'une implantation à une trentaine de kilomètres au sud de Bagdad. Ouais. Mais attendez, est-ce que les Allemands savent qu'ils vont construire une usine destinée à produire des armes chimiques ? Officiellement, il s'agit de l'édification d'une université et à l'intérieur de cette université, d'un laboratoire chimique. Ouais, c'est un camouflage. Certainement. Et le cahier des charges prévoit que dans ces bâtiments, on puisse traiter des substances les plus dangereuses. Et en particulier, les organophosphorés. Et dont vous avez dit que c'était des produits avec lesquels il était possible de générer des neurotoxiques. Hein. Et les ingénieurs allemands, alors, ne se doutent de rien ? En principe, non. La surveillance étroite dont ils sont l'objet n'éveille même pas leur curiosité. Ni même l'installation sur le site de batteries de missiles sol-air. Ouais, difficile à croire, hein. Mais la direction de la Thyssen jouera l'innocence jusqu'au bout. Toutefois, les Irakiens ne voulaient pas en rester là. Et ils décidèrent la construction d'une autre usine à Samara, près de Tikrit. Tikrit, ça, c'est le fief de Saddam Hussein et de son clan. C'est ça. Et il est de nouveau fait appel à une entreprise allemande, la Karl Kolb, dont le principal actionnaire était un certain Klaus Franz, un homme qui avait nourri autrefois des sympathies certaines pour le régime nazi. Grâce à toute une série de sous-traitants et de sociétés écrans, la Kolb a installé la plus grande usine de production d'armes chimiques au monde, sur un site de plusieurs dizaines de kilomètres carrés étroitement surveillé. Les Allemands ont édifié des bunkers et des silos souterrains qui devaient être capables de résister à un bombardement aérien. Ils ne pouvaient donc ignorer ce qu'ils faisaient. Et la vraie question est celle-ci. Que savaient exactement les autorités fédérales ? Car la construction d'un aussi vaste complexe et la participation de techniciens allemands ne pouvaient pas passer inaperçus. Et puis, il fallait alimenter les chaînes de production des poisons et donc importer des quantités considérables de produits chimiques pour les fabriquer. Et des produits dont le commerce devait quand même être très surveillé. Hein. Naturellement. Et bien malgré tout, les Irakiens ont réussi à vaincre tous les obstacles et à persuader plus de 200 entreprises occidentales de leur livrer ces substances chimiques. En trichant. Bien sûr. Et avec la complicité obligatoire de certains États. Au moment même où les troupes de Saddam Hussein utilisaient massivement ces armes chimiques sur le front sud, le secrétaire d'État adjoint américain, Richard Murphy, se trouvait à Bagdad afin de négocier le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et il a été mis au courant ? Rapidement, car les Iraniens n'ont pas tardé à dénoncer cette violation de la Convention de Genève. Alors, résultat ? Murphy a protesté énergiquement, en vain. car les Irakiens ont exercé une sorte de chantage. Si vous ne nous soutenez pas, nous nous tournerons du côté de l'URSS. Et c'est ainsi que, malgré l'utilisation des gaz par Saddam Hussein, les relations diplomatiques entre l'Irak et les États-Unis ont été rétablies quelques mois plus tard. Il s'est même trouvé un universitaire états-unien pour estimer que les armes chimiques étaient essentiellement destinées à briser le moral de l'ennemi. Oui, si elles tuaient, c'est en surplus. Voilà. D'ailleurs, plusieurs spécialistes militaires avaient observé que le rendement de ces armes était assez peu satisfaisant et ne tuait que 20% des soldats ennemis. C'est horrible, hein, ce mot « rendement ». Et c'est pourquoi les Irakiens ajouteront à leur soupe chimique de l'acide cyanhydrique. Et pourquoi alors l'opinion internationale ne réagit-elle pas ? Malgré les preuves accablantes. Mais Saddam Hussein jouit alors d'une sorte d'impunité. Oui, parce qu'il combat l'Iran. Exactement. L'Iran qui prône un islam radical et qui a déclaré une guerre larvée à l'Occident. Attentats, prise d'otages, etc. L'Iran n'est donc guère populaire et inquiète. Oui, le risque de contagion islamiste. Et incontestablement, Saddam Hussein en profite de façon cynique. Pour l'opinion occidentale, l'Irak laïque demeure un rempart contre l'obscurantisme des islamistes. Et par conséquent, on ne veut pas savoir. Et on accorde foi aux mensonges de Saddam Hussein. Lorsque les Iraniens présentent publiquement des victimes des gaz irakiens, Bagdad prétend que ces gens ont été blessés chez eux lors de l'explosion d'une usine chimique. Et ça marche. Tout à fait. Entre Khomeini et Saddam Hussein, l'opinion a choisi. Mieux, grâce à sa collaboration avec des firmes néerlandaises et allemandes, l'Irak a même accéléré sa production de gaz mortel. Et quand soumis à des pressions des États-Unis, le gouvernement fédéral allemand s'est décidé à limiter et même à arrêter les exportations de produits chimiques sensibles. L'une des sociétés mises en cause, cette Karl Kolb dont je vous ai parlé, a attaqué en justice et elle a gagné. Donc, les exportations ont pu continuer. Et la production a encore augmenté. Il faut aussi souligner que lorsqu'un gouvernement européen essayait d'entraver ce commerce, il faisait l'objet de menaces très claires. Des menaces de quel ordre ? Des menaces commerciales. Il ne faut pas oublier que grâce à son pétrole, l'Irak était riche et avait la réputation de payer rubis sur l'ongle. Un excellent client qu'il ne fallait pas fâcher. Alors, pour résumer, la communauté internationale savait que Saddam Hussein violait les lois de la guerre en utilisant des gaz, mais personne ne lui en faisait grief pour des raisons politiques ou commerciales. Telle est la vérité, oui. Et le dictateur irakien va bientôt franchir une nouvelle étape en employant cette arme terrifiante contre son propre peuple. Oui, à l'Abja. Hein. Oui. Alors voyons pourquoi. En mars 1988, l'Iran procède à une offensive de grande ampleur au Kurdistan irakien. La cible est double, mais répond à un même objectif. À défaut de pouvoir réduire de manière significative les exportations pétrolières de l'Irak, il s'agit de s'en prendre à ses ressources électriques indispensables pour faire fonctionner l'industrie pétrolière à plein régime. Les Iraniens décident donc de s'emparer des deux plus grands barrages hydroélectriques de l'Irak. Et tous deux situés au Kurdistan. Hein. Oui. L'Iran mobilise donc la moitié de ses forces armées sur le front nord et ses meilleures troupes de choc. Et l'offensive est d'abord couronnée de succès. La ville d'Al-Abja, située à quelques kilomètres seulement de la frontière, est prise avec le renfort des maquisards de l'Union patriotique du Kurdistan, l'UPK. Puis les Iraniens poursuivent vers le barrage de Darbandkan. Mais ils sont stoppés par une réplique massive de l'aviation et des troupes de réserve irakiennes. Cependant, l'autre barrage situé plus au nord est conquis. Les conséquences, Saddam Hussein est furieux. Il accuse l'incurie de ses commandants, fait fusiller quelques-uns et ordonne des représailles. Et ce qu'il veut punir en priorité, ce sont les Kurdes, accusés d'avoir pactisé avec l'ennemi. Des Kurdes qui, par ailleurs, demandent leur indépendance et affrontent les Irakiens, les armes à la main. Pour Saddam Hussein, c'est donc une double raison de s'en prendre à ces Kurdes. Et ce sera le renforcement de l'opération Anfal, qui avait commencé en 1987. Anfal, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que c'est un verset du Coran qui signifie « butin arraché aux infidèles ». Et Saddam Hussein confie cette tâche à son cousin, Ali Hassan al-Majid, proconsul en charge des provinces kurdes, et qu'on n'appellera plus Khalil Chimique. Oui, qui sera condamné à mort et pendu en 2010, je crois. Oui. Sa mission, tuer le maximum de Kurdes rebelles et de soldats iraniens retranchés dans l'Abja. Quitte à sacrifier les femmes et les enfants qui s'y trouvent toujours. La preuve, le 15 mars, en pleine réunion, le président irakien s'est emporté en répétant à plusieurs reprises « Tuez-les tous !» Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La suite sur Al-Abja dans un instant. En attendant, ce point sur les relations ambiguës entre les États-Unis et l'Irak. Je l'ai trouvé dans le livre noir de Saddam Hussein sous la signature du grand journaliste Jonathan Randall. Extrait. Washington se mit à considérer la survie de l'Irak comme essentielle au point de fermer les yeux sur le triste record de Saddam Hussein concernant le nombre de violations des droits de l'homme. Fut aussi ignoré son utilisation de l'arme chimique et biologique contre les troupes iraniennes et les Kurdes. Voulant délibérément faire montre de bonne volonté, le président Ronald Reagan envoya son émissaire personnel, Donald Rumsfeld, serrer la main de Saddam en décembre 1983. Il n'en reste pas moins que les États-Unis furent lents à rejoindre les pays qui soutenaient ouvertement l'Irak. La France, le monde arabe et l'Union soviétique. La France fournit des missiles Exocet Air-Mer, des Mirage F1 et surtout des avions super-étendard pour bombarder les pétroliers iraniens dans l'espoir de forcer Roménie à mettre fin à sa guerre sainte. Les Arabes donnèrent des dizaines de milliards de dollars qui permirent à Bagdad d'acheter encore plus d'armes et de fournir aux Irakiens la nourriture, les voitures et les produits d'importation destinés à empêcher que le mécontentement de l'arrière ne se retournât contre Saddam. Quand vous dites que Saddam Hussein a répété « Tuez-les tous », sur quel document vous appuyez-vous là ? Sur une bande audio retrouvée après l'invasion de l'Irak en 2003. Un enregistrement qui pèsera lourd lors du procès du dictateur. Et justifiera sa condamnation à mort. Hein. Dès le lendemain de cette réunion, le 16 mars, en début de matinée, l'offensive contre Al-Abja commence. Elle va durer 15 heures, une pluie mortelle d'obus chargés d'agents chimiques, mêlant hypérite, phosgène et gaz neurotoxiques s'abat sur la ville. Les conséquences humaines sont terribles. Entre 3000 et 5000 Kurdes meurent presque aussitôt comme foudroyés. D'autres se précipitent dans des abris, mais ils sont rattrapés par les gaz toxiques. Mais parce que les gaz restent au niveau du sol. Et seuls survivront ceux qui ont réussi à gagner à temps les hauteurs. Il y aura aussi 10 000 blessés, et pour ceux-ci, les séquelles perdurent encore aujourd'hui. Mais pour les Irakiens, ce n'était que l'aboutissement d'une véritable opération de purification ethnique. Cette opération Anfal. 4 000 villages ont été détruits, et des dizaines de milliers de Kurdes ont été exterminés. Le terrible Halil chimique pourra être récompensé et appelé à d'autres fonctions, mais le martyr d'Al-Abja ne sera pas terminé pour autant. Fin 1988, c'est-à-dire après la fin de la guerre, des tanks irakiens reviendront et des soldats dynamiteront systématiquement les maisons de la ville. Et sur le plan militaire, quelles ont été les conséquences du massacre d'Al-Abja ? Ce gazage massif a stoppé net l'offensive iranienne. Les pertes militaires sont lourdes pour Téhéran. L'armée régulière et les Pasdaran, qui avaient conquis 600 km en 3 jours, ont été obligés de se replier. Un épisode aussi monstrueux ne pouvait que susciter l'indignation. J'y viens tout de suite. Mais il faut d'abord observer que les Irakiens ont très vite tenté de se disculper en affirmant que les Iraniens avaient eux aussi tiré des obus chimiques sur Al-Abja. Ouais, c'est aujourd'hui la défense du gouvernement syrien qui accuse les rebelles. Exactement. Mais ces allégations seront reprises par des journaux sérieux comme le Washington Post ou The Economist. Et qu'en a-t-il été réellement alors ? Téhéran ne disposait que d'un stock très limité de munitions chimiques qui avaient d'ailleurs été acquises à l'époque du Shah. Non pas que les Iraniens aient été plus vertueux que les Irakiens, mais les Mollahs ne voulaient pas accroître leur isolement sur la scène internationale. En outre, certains pensaient que l'utilisation des armes chimiques était contraire aux préceptes du Coran. Il m'étonnerait que l'on évoque dans le Coran les armes chimiques. Vous avez raison. Et plus tard, ça n'empêchera pas le régime islamique d'autoriser la construction d'une usine chimique à Bushehr, qui produira de petites quantités de gaz vésicants. Alors, Vous me parliez de la réprobation internationale. Bah, il faut malheureusement constater que seuls les pays scandinaves, l'Australie et le Canada, ainsi que des organismes comme le Parlement européen et l'International socialiste, ont condamné clairement l'Irak. Et l'ONU, alors ? Fin avril 88, l'ONU a rendu public le rapport de l'un de ses experts, un militaire espagnol dépêché dans la région d'Al-Habja. Sa conclusion est affligeante. Il se contente d'affirmer que des armes chimiques ont de nouveau été employées, tant en Iran qu'en Irak. Et donc les deux pays seraient également coupables et responsables. Le même jour, le secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, fait une déclaration dans le même sens, en affirmant que les nationalités sont difficiles à déterminer tant pour les armes que pour les utilisateurs de celles-ci. Une position partagée par la diplomatie américaine qui met sur le même plan les responsabilités des deux belligérants. C'est un refus de voir la vérité. Bien entendu. Et certains organismes gouvernementaux états-uniens les plus impliqués avec le régime irakien sont encore plus ambigus, voire totalement cyniques. Ainsi, un rapport confidentiel de la DIA, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée, relève qu'au vu de la nature du poison utilisé, essentiellement du cyanure, il ne peut s'agir que d'obus chimiques iraniens, car les Irakiens, eux, utilisaient plutôt des produits chlorés. Une thèse qui aura la vie dure et sera souvent reprise aux États-Unis par des documents plus ou moins officiels. Mais par exemple ? En 2003, à la veille de l'invasion états-unienne en Irak, un ancien agent de la CIA, à l'époque de la guerre Iran-Irak, soutenait dans un article du New York Times que Al-Habja était un crime de guerre commis par l'armée iranienne et non un crime contre l'humanité commis par l'Irak. Et qu'en aucun cas, il ne s'est agi de l'assassinat délibéré de populations civiles. Ça, c'est de la désinformation. Et qui sera paradoxalement utilisé par les pourfendeurs de Bush Jr. lorsque celui-ci, pour justifier son intervention en Irak, affirmera que Saddam Hussein était le fossoyeur des Kurdes. N'avait-il pas, avec ses amis républicains, affirmé le contraire 15 ans plus tôt ? Mais oui, mais fondamentalement, alors, pourquoi un tel aveuglement ? Ce n'était pas de l'aveuglement. Il existait aux États-Unis, dans les sphères dirigeantes, la volonté de faire fi des dommages humains, car l'essentiel était l'affaiblissement de l'ennemi commun iranien. Car les services de renseignement américains disposaient de preuves tangibles de l'utilisation de gaz chimiques par les troupes irakiennes depuis 1983. Oui, mais c'est le silence qui a prévalu. Oui, et pour plusieurs raisons. Non, et avant de détailler ces raisons-là, comment pouvez-vous en être tellement certain ? Un ancien de l'Air Force, le colonel Francona, qui était attaché d'ambassade en Jordanie, puis en Irak, a réussi à se rendre sur un champ de bataille près de Bassora. Et il a remarqué que des centaines d'injecteurs d'atropine jonchaient le terrain. Or, l'atropine est un médicament utilisé pour contrer les effets mortels des armes neurotoxiques. Il était donc certain que l'armée irakienne avait usé de sarin ou de tabac. Et il a fait un rapport ? Mais il est resté secret. Francona n'a pu faire cette révélation qu'après avoir pris sa retraite. Mais les informations fournies par ce colonel ne faisaient que confirmer ce que savaient déjà les services de renseignement grâce aux observations de leurs satellites qui leur permettaient de localiser les usines de fabrication, mais aussi de suivre les préparatifs des bombardements et les transports des munitions chimiques avant chaque offensive. Alors, venons-en maintenant aux raisons qui ont poussé les Américains à se taire. Ils ont d'abord tenu un raisonnement assez curieux. Les services secrets avait découvert que les soviétiques avaient déjà utilisé des armes chimiques en Afghanistan. Or, il n'y avait eu aucune réaction internationale. Par conséquent, se sont dit que l'utilisation de ces armes par l'Irak pourrait rester tout aussi discrète, d'autant que ça arrangeait leurs affaires. Donc, les Américains n'ont rien dit et ils se sont bien gardés d'informer l'ONU. Parce que l'Irak, encore une fois, combattait l'Iran. Il demeurait toutefois une crainte. Si l'Iran récupérait un obus non explosé, portant une marque de fabrication irakienne et qu'il le présentait à l'ONU, les Américains risqueraient alors d'être accusés de complicité. Ouais, pour non-dénonciation de crimes de guerre. Évidemment. Toutefois, jusqu'en 1987, les Américains ont été relativement prudents. C'est-à-dire ? En 1986, le département de la Défense a proposé un programme de partage des renseignements avec les Irakiens. Mais la CIA, surtout après l'affaire désastreuse de l'Iran Gate, s'y est opposée. Oui, mais ça a changé alors. En 1987, oui, car la situation évoluait défavorablement pour l'Irak. D'après les satellites états-uniens, de nombreux soldats iraniens, lourdement équipés, s'étaient rassemblés à l'est de Bassora, notamment près d'une brèche laissée béante par les lignes irakiennes. La DIA, estimant que la prise de Bassora était inéluctable lors de la prochaine offensive iranienne, prévue au printemps 88, a alerté la Maison-Blanche. Réaction du président Reagan ? Il a donné son feu vert à la DIA afin de fournir des renseignements tactiques aux services irakiens. Et selon ce même colonel Francona, dont je vous ai déjà parlé, les Américains leur ont servi des cibles sur un plateau. Les forces aériennes de Bagdad n'avaient plus qu'à appuyer sur le bouton. Mais c'est allé encore plus loin, puisque dans le Golfe, les forces aéronavales et états-uniennes sont intervenues directement contre les Iraniens. C'est parfaitement exact. Et en même temps, les Irakiens ont continué à utiliser massivement leurs armes chimiques. Selon une estimation de la CIA, les deux tiers de toutes les armes chimiques utilisées par l'Irak pendant sa guerre contre l'Iran ont été envoyées ou larguées au cours des 18 derniers mois du conflit. Vous avez beaucoup parlé des États-Unis, mais la France ? En la matière, nous n'avons pas de leçons à donner, puisque nous avons été le deuxième fournisseur d'armes de Saddam Hussein. Il ne faut pas oublier qu'à l'occasion d'une conférence sur l'interdiction des armes chimiques qui s'est tenue à Paris en janvier 1989, notre gouvernement s'engagera auprès du ministre irakien des Affaires étrangères, Tariq Aziz, à ne pas citer Bagdad dans le communiqué final. Je vous rappelle le titre du livre remarquable et très récent de Pierre Razou, « La guerre Iran-Irak », qui vient de paraître chez Perrin. Et chez le même éditeur, une histoire secrète de la crise irakienne, France, les États-Unis et l'Irak, 1991-2003, de Frédéric Bozo. Autre livre, autre guerre. Sans doute l'un des plus beaux romans de l'année, Le quatrième mur de Sorge Chalandon, raconte l'histoire folle d'un homme qui essaie désespérément de faire un pied de nez à la guerre en montant Antigone dans un Beyrouth déchiré et en rassemblant sur scène des ennemis qui se battent depuis 1975. Un pari presque réussi jusqu'au moment où les protagonistes de la pièce d'Anouilh basculeront dans l'horreur des massacres de Sabra et Shatila. Le livre de Chalandon est édité par Grasset. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca Denante, réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après les infos, CO2, mon amour, de Denis Chessou.